Puisque ce n'est pas celle-là, ce sera donc l'autre que je brûlerai. Pauvre petite, je te baisais tout à l'heure. Et te souviens-tu de ce que je te disais? Nous arrivons trop tard, tu le vois. Il ne veut pas de toi. Et ne veut plus de moi. Qu'on est folle de faire des rêves. Ils ne se réalisent jamais. Pourquoi cet attrait, ce charme invincible qui nous fait caresser une idée? Pourquoi tant de plaisir à la suivre, à l'exécuter en secret? À quoi bon tout cela? À pleurer ensuite. Que demande donc l'impitoyable hasard? Quelles précautions, quelles prières faut-il donc pour mener à bien le souhait le plus simple, la plus chétive espérance? Vous avez bien dit, monsieur le comte. J'insiste sur un enfantillage. Mais il m'était doux d'y insister. Et vous, si fière, aussi infidèle, il ne vous eût pas coûté beaucoup de vous prêter à cet enfantillage. Oh! Il ne m'aime plus. Il ne m'aime plus. Il vous aime, madame de Blainville. Allons, il n'y faut plus penser. Jetons au feu ce hochet d'enfant qui n'a pas su arriver assez vite. Si je le lui avais donné ce soir, il l'aurait peut-être perdu demain. Oh, sans nul doute, il l'aurait fait. Il laisserait ma bourse traîner sur sa table, je ne sais où, dans ses rebuts, tandis que l'autre le suivra partout. Tandis qu'en juin, alors qu'il est, il l'attire avec orgueil. Je le vois l'étaler sur le tapis et faire résonner l'or qu'elle renferme.